France, il a bugué cet ordinateur. Restart. Thank you. perfection. C'est un parcours risqué et long. C'est sans chercher qu'il faut trouver. Alors avance. Ta vie, est-ce que tu es prêt ce soir à t'accepter, à tout lâcher, à tout risquer? Tu peux aller plus loin, tu sais. Ok. C'était bien joli ça, avec un très joli saut guitare.